Two Comedians, daté de 1966. Ce petit tableau de 78 cm sur 1 mètre est conservé dans une collection particulière. Cette peinture à l'huile est la dernière œuvre de Hopper. L'artiste choisit de nous placer à nouveau dans une salle de spectacle. La représentation est terminée, les deux acteurs sont au bord de la scène et saluent. La banalité du moment n'est qu'un leurre. L'artiste a choisi le dépouillement. Nulle trace de spectateur, ni de décor. Seul ce couple de comédiens, habillés l'un en arlequin, l'autre en pierrot, saluent en se tenant par la main. L'éclairage n'est pas artificiel, mais au contraire semble être celui d'une journée gorgée de lumière. L'ensemble de la composition s'inscrit dans un cadre en bois jaune clair. Cette bordure donne véritablement l'illusion qu'on regarde un tableau dont les comédiens s'animent sous nos yeux. La lumière solaire renforce cette vision picturale. Après avoir revêtu le costume de Pierrot dans Soir bleu, Hopper, en guise d'adieu, choisit comme dernier rôle celui d'un arlequin qui tire sa révérence. Les enfants du paradis. Dans son ultime tableau, Two Comedians, Edward Hopper tire sa révérence depuis la scène d'un théâtre. À ses côtés, il rend hommage à Jo, celle qui partage sa vie depuis 1924. Plus qu'une compagne, elle a été sa complice, le gestionnaire, le modèle exclusif de sa peinture. Amis du couple Hopper, Barbara Novak et Brian O'Doherty ont décrit l'humeur volcanique de Jo, sa vivacité d'esprit, son goût invétéré pour la polémique. Le salut de Two Comedians clôt le dernier acte de la passion de Hopper pour le spectacle, pour les dispositifs qui révèlent la théâtralité de l'existence, qui délient le mélange de réalité et d'illusion qui constitue notre représentation du monde. Hopper confiait que ses films favoris étaient All About Eve de Joseph Mankiewicz et Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, soit deux récits liés aux acteurs et au monde du théâtre. En peinture, sa dilection pour Degas et Watteau témoigne d'un attrait pour ceux qui ont su mettre en évidence le comique, le tragique, l'ironie plus ou moins légère d'une existence humaine à dessein confondu avec une farce ou une tragédie. Portrait de Joe Hopper. La relation qu'entretenait Edward Hopper avec sa femme Joséphine était tumultueuse. À la fois passionnée et colérique, dévouée et révoltée, fière et ombrageuse, Joe a offert à Hopper le sujet de nombreuses caricatures qui mettent en lumière sa passion pour la gente féline, son féminisme épidermique, sa défiance à l'endroit des choses du sexe. Qui est Joe ? Joséphine Verstil Nivison Hopper est née en 1883 à New York d'un père musicien d'origine française et d'une mère fille d'immigrants irlandais. Elle révèle dès son plus jeune âge un caractère affirmé. Dans un environnement familial passablement instable, elle fait de la lecture une échappatoire et privilégie sa formation intellectuelle et artistique plutôt que le conformisme d'une vie d'épouse et de mère de famille. Quelques années avant qu'Edward Hopper ne prenne la même voie, elle suit les cours de Robert Henry à la New York School of Art. Henry réalise son portrait en 1905, en veillant à mettre en lumière ce qu'il perçoit comme son extraordinaire force de caractère. Longtemps, Jo rendra hommage à son professeur dont elle admire les convictions libertaires. Jo fréquente la bohème de Greenwich Village, exprime son militantisme politique, son engagement féministe, en collaborant par ses illustrations au magazine de la gauche américaine, The Masses. En 1923, Joe et Edward se retrouvent dans la colonie d'artistes de Gloucester, où, peignant sur les mêmes motifs, ils découvrent leur passion commune pour la culture française. De retour à New York, Joe aide Edward à participer à une exposition d'aquarelles au Brooklyn Museum, qui lui permet de réaliser sa première vente à un musée américain. L'été suivant, Joe et Edward se marient à Gloucester. En dépit du ressentiment que nourrira Jo à l'égard de son époux, dont elle considérera les succès comme une entrave à son propre développement artistique, Edward et Jo restent étroitement liés et passent leur vie ensemble jusqu'à leur mort respective, en 1967 et 1968. Jo, l'unique modèle. Joséphine est totalement impliquée dans l'œuvre de Hopper. Elle est son seul et unique modèle. Il lui arrivera de parler de ses peintures comme de leur progéniture. C'est elle qui tient scrupuleusement l'inventaire des tableaux réalisés par Hopper, précisant pour chacun d'eux la technique, le sujet, ajoutant parfois ses propres commentaires concernant leur sens. L'adieu à la scène. En installant les acteurs italiens dans le monde réel, Watteau a ouvert à Hopper les portes d'un univers où se dissolvaient les frontières entre la réalité et le monde du spectacle. Parmi les modernes, c'est à Degas, peintre de l'opéra et de la scène, qu'est allée spontanément la faveur du peintre américain. Au milieu des années 1920, les salles de spectacle du théâtre ou du cinéma deviennent un des sujets de prédilection de Hopper. Loin d'exprimer une quelconque fascination pour l'univers du divertissement, ces tableaux en instruisent plutôt le procès. Ces personnages se détournent systématiquement de la scène ou de l'écran. Cette indifférence est l'expression d'une défiance. Elle dit le doute, la condamnation par Hopper d'un art qui détourne de l'essentiel, qui distrait davantage qu'il n'éduque. Conscient du paradoxe qu'il enferme, Hopper salue depuis une scène ceux pour qui il entendait lever les voiles de l'illusion. Le théâtre du monde. Plus que le motif de ses œuvres, le théâtre est constitutif de la conception que Hopper se fait du monde. Après Shakespeare, lui aussi aurait pu écrire « All the world is a stage », le monde entier est un théâtre. À la façon de Nicolas Poussin, dont l'art est marqué par une culture modelée par la tragédie, Hopper a recouru à des maquettes de carton pour concevoir certaines de ses compositions. Éliminant les verres des fenêtres qu'il a fréquemment peintes, il a transformé les intérieurs de New York en petits théâtres de la vie domestique.